gentleman. Un check on est nous. Quand la monde n'est pas là. J'ai mon frère, j'ai mon frère, j'ai mon cote, ma blonde et ma tenue de gala. Mais toi t'as menti, les coïncidences et les voyous se relient. Quand les frères ont crise dans les bureaux de Chris avec Mulder et Scully. Story sombre et guerrière, passe pas par derrière, touche pas ma connex. Les guitares c'est pour mes yeux rouges, le garde du corps c'est pour ma Rolex. T'as payé l'hôtel, le resto, le cadeau, mais ce soir elle veut pas haut. Tu crois les mignons s'en bat les couilles de Watt, elle veut juste de la barrao. On va tous les barrao. En 2000 barrao. Je vais sortir le barrao. Blancox c'est barrao. Libéré barrao. Blindé comme Juna. Ouais papi chulo. Formé Jean Roulin. Formé Jean Roulin. Frère on prend tout là. J'ai besoin d'un poulain. Comme Blue Sky du moulin. Comme Blue Sky du moulin. Genre un homo. Ouais, ouais. Ça sonne comme un gros mot. Ouais, ouais. Ça fait du vacarme trop long. Ramène des armes. On va faire de la promo. On a pété du C4. Un poteau pas bien. J'ai le cerveau qui fuit. Comment t'sais pas qui je suis. Ouais j'ai fait un Australien. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ouais. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ouais. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ouais. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ouais. Ouais. T'as un gros bonnet, je suis une grosse cagoule moi. T'as un gros bonnet, je suis une grosse cagoule moi. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ouais. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ouais. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ouais. T'as un gros bonnet, je suis une grosse cagoule moi. T'es un gros bonnet, je suis une grosse cagoule moi. Ouais rigole et ricane. Y'a v'là les potos qui canne. Ma gueule en réplique de mandat, y'a boum, on change pas une équipe zigane. On est connu des services. Une frontière c'est la cata. T'as trop consommé au bar du BDA, t'as fait du sachet tata. Rage de frérot, une balle enragée, un coup de frein à main, une balle engagée, une capuche noire, une arme dans la foule. T'es un gros bonnet, je suis une grosse cagoule moi. Fallait pas rouvrir nos cages. Pour recouvrir nos pages. Petit t'as pas notre âge. On a plus rien à perdre. On a plus des romages. Tiens si tu régales. Fixé sur la cible. C'est sombre en effet. Sortir d'où j'étais. Personne ne m'égale. C'était impossible. Alors je l'ai fait. Les frères m'ont dit. Tiens si tu régales. Fixé sur la cible. C'est sombre en effet. Sortir d'où j'étais. Personne ne m'égale. C'était impossible. Alors je l'ai fait. Gardons. C'est noir comme la ville lumière. C'est moche comme l'île de beauté. Poteau fait ton lit. J'ai cantiné des petits suisses. Des canettes de côté. Même quand on est deux, on chuchote. Même quand on est deux, on chuchote. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ça bicrave la mort dans les tchekas. T'as un gros bonnet, je suis une grosse cagoule moi. T'es un gros bonnet, je suis une grosse cagoule moi. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ça bicrave la mort dans les tchekas. Ça bicrave la mort dans les tchekas. T'es un gros bonnet, je suis une grosse cagoule moi. T'es un gros bonnet, je suis une grosse cagoule moi. SFC, SFC, Soura, Farid Bourimèche, Bakil, qui c'est moi? Yup, yup, yup, yup, Pago, Pago, frère de Samni, frère de Samni, you, Blanco, je suis passé chez So. Un seul con, il est calé, gros.